Hip hop, la Rizla, Yerom, on est là. 2007, c'est toujours pour le plaisir comme il y a 6 ans, hein. Qu'à synchro, on débarque massivement. L'esprit critique, on provoque le défi. Arrow, passez pour les trucs mes filles. On est Billy Bock, on nous voit crever ici. L'exhaleur, hein. Ma vie est finie, je suis fané, indéfini, en peiné. 17 ans déçu, je sortirai d'ici du décès. Ça fait des années que je suis là à faire des essais. Ça m'a pris d'assaut, pour ça je balance des trucs indécis. J'ai besoin de soi, ouais mec, ça j'y ai réfléchi. Ça m'exaspère, je sais déjà que ma vie est fichue. Exaspère, parce que comme Oli, je veux pas du plus sûr. Je te l'ai dit, moi c'est l'espoir, j'ai pas de vœux le plus cher. Serein-t-il connexion, prêt à tout défoncer. Dis-leur sérieux comme ils sont, et mes sourcils français. 4144-20, faut savoir qu'au fond c'est plus possible à voir, donc nos potes vont foncer à tête basse. Dans ce monde sans fraîcheur, on t'embrasse. Si tu jettes des sous aux enchères, faut que je me base. Sur une terre remplie de lécheurs, mon temps me bouffe. Peu à peu, je descends aux enfers, j'ai tout fait. Et pourtant, j'ai pas vu d'issue étouffée. Par les pavés sur lesquels je suis m'étoffé. Ça, vous le savez, moi je l'ai su que c'est imparfait. 5 sur 5, je l'ai reçu. On provoque le défi, on s'enlace. Le temps s'écoule et tu te méfies, on est là. Tout le monde nous voit crever ici, mais moi t'as. Qu'a-t-il à faire pour changer ça? Quand je ouvre les yeux, je vois la vie morose. Les temps passent, c'est toujours la même chose. Toujours le même jeune qui perpétue leur haine envers les sbires. Souvent les délits tournent au drame, coup de bottin, coup de matraque. Pour certains, devenu un quotidien. Écoute bien, c'est pas des balivernes. Je parle bien du monde qui nous gouverne. Un cercle fermé, un scénario, on a tous un rôle. Moi je hausse ma voix, j'ai fait mon rôle. La vie t'a été de bonne foi, alors fais ton trône. Les larmes coulent sur une terre sans vie. Un combat perpétuel sur un champ de bataille universel. Envers et contre tous, je crache mes rimes sur le monde et ses principes. Impossible d'étaler échappé, qui est la cible. La balle part, il te reste plus qu'à implorer la Bible. L'effet est accompli et t'as compris que le temps style menace. La rise, la roulée, on provoque le défi, on s'enlace. Le temps s'écoule et tu te méfies, on est là. Tout le monde nous voit crever ici, mais moi t'as. Qu'a-t-il à faire pour changer ça? La rise, la roulée, on provoque le défi, on s'enlace. Le temps s'écoule et tu te méfies, on est là. Tout le monde nous voit crever ici, mais moi t'as. Qu'a-t-il à faire pour changer ça? Batte mon frère, comme chaque jour, hein. Si on peut respirer, alors faut qu'on peut se battre. Alors on est là. Et on combat chaque jour pour avancer. Hein? Check ça, check. Le temps s'écoule et tu te méfies. Qu'a-t-il à faire pour changer ça? La rise, la roulée.